Ah, aujourd'hui, on parle pas mal. Aujourd'hui, on parle pas mal avec la gang de Midi Pile au Saguenay. Ce matin, on a parlé avec Marc Diquet pour parler des matchs de la semaine dans la NFL. Et là, maintenant, ça fait longtemps que je voulais faire l'entrevue. Puis étant donné qu'on est en programmation des fêtes, plus de podcasts, parce qu'étant donné qu'on a beaucoup de publicité dans les fêtes, il y a un sujet qui m'interpelle. Ça fait 19 ans qu'il n'y avait pas eu de la lutte en français. Et soudainement, les deux canaux de sport, RDS et TVA Sport, présentent de la lutte cette année. Soudainement, c'est quoi le bug? Je comprends pas. Alors que la NBA, qui est un sport majeur, est toujours pas diffusée en français. Les gens qui me suivent sur les médias sociaux savent que je suis un petit peu, j'en ai un petit peu contre ça. Quoi qu'il en soit, j'ai trouvé un amateur de lutte. Il est descripteur également de la lutte à la télé locale au Saguenay. C'est un vendu de ce sport-là. C'est Fred Gagné, l'animateur de Radio X. Salut Fred! Hey, salut mon homme, comment ça va toi? Ça va bien, ça va bien. Fred, c'est quoi le bug, soudainement? Ça fait 19 ans qu'il n'y a pas eu de lutte en français. Et là, il y a un poste de sport, deux postes de sport qui ajoutent la lutte. Un, TVA Sport qui est la WWE, et RDS qui ajoute Raw. C'est quoi le... Soudainement, pourquoi on y va tant que ça? En fait, là, faut juste remettre les choses en perspective. C'est plus ou moins vrai que ça fait 19 ans qu'il n'y a plus de lutte en français à la télé, parce que ce qui est vrai, c'est que c'est vrai que ça fait presque 20 ans que RDS ont largué la WWE. À l'époque, il y avait Jean Brassard, puis Raymond Rougeau, puis on écoutait ça, puis on avait du fun. Puis la lutte est tombée dans une sorte d'abîme, parce que on sait pas trop. C'était peut-être des discussions contractuelles, puis la WWE passait de moins en moins au Québec. Puis d'ailleurs, les foules étaient de moins en moins élevées au Québec quand ils passaient, pour les quelques fois qu'ils passaient. Mais je tiens à mentionner que la lutte en français du côté de RDS a été quand même là pendant 11 ans, de 2004 à 2015. Mm. Et à ce moment-là, c'était la TNA, qui est une formation un peu plus anonyme, ou du moins qui a eu des belles heures, qui était un prétendant à un moment donné pendant quelques années. Puis là, il est redevenu un peu plus tranquille. Puis à l'époque, vous aviez entre autres Pierre-Carl Ouellet qui était à la distribution, vous aviez également Sylvain Grenier qui était là. Ils ont été là, mais ils n'ont jamais eu les cotes d'écoute qu'il y avait à la télé, la WWF à l'époque pour RDS. Pourquoi là maintenant, pourquoi là il y a un buzz, pourquoi ça revient? Ben, c'est une conjoncture. En fait, il y a deux choses qu'on peut cibler là-dedans, puis je parlais avec l'écrivain puis le biographe avec, Pat Laprade, qui est un spécialiste mordu de lutte pas plus tard qu'hier. Ce qu'il me disait, c'est que sans vouloir se prendre le crédit directement, il y a eu un livre qui a fait jaser pas mal il y a 3-4 ans, qui s'appelait à l'époque en anglais Mad Dogs, The Midget and Screwjobs, et qui en français, sa version francophone était À la semaine prochaine, si Dieu le veut. Et c'était une genre de rétrospective, une anthologie de la lutte au Québec et au Canada. Puis ce livre-là a été considéré comme une sorte de best-seller. Ça a réouvert les yeux sur ce qui s'est fait de lutte au Québec pendant un bout. Ça a redonné un peu d'intérêt, puis on se cachera pas, en toute honnêteté, il y a eu deux Québécois qui ont percé ce domaine de la lutte, la grosse ligue, il n'y a pas longtemps. Ça a commencé avec Sami Zayn, le Montréalais d'origine ferme. Puis également, l'année d'après, tu as eu aussi Kevin Owens, ou Kevin Steen, de son nom de lutteur indépendant. Et ces deux gars-là, même si c'est pas des bons petits francophones, ça reste des bons Québécois, des gentlemen. Ces gars-là, quand ils sont arrivés en 2013, 2014, tout ça, ont créé un impact instantané à la WWE. Et là, à un moment donné, ben là, finalement, peut-être que du côté d'RDS, surtout du côté de TVA Sport, on s'est rouvert les yeux et on a dit « Oh, là, ça devient plus intéressant de rediffuser de la lutte parce qu'on a des Québécois, donc ça attire du monde. » C'est un peu le principe des Québécois chez le Canadien, c'est un peu le principe des Québécois chez les Sénateurs d'Ottawa. Quand tu as des Québécois au menu, sous le line-up, c'est plus facile à vendre. Mais là, la WWE, c'est l'ancien WWF, c'est ça? Oui, tout à fait. Ça a changé de nom à cause d'une discussion légale avec une autre compagnie qui s'appelait la WWF, une compagnie, un organisme pour la protection de la faune des animaux, la WWF, qui eux ont gagné envers 25. OK, Raw, c'est quoi? Raw, ça fait longtemps que je n'ai pas entendu parler. Parce que qu'est-ce qui est plus gros, Raw ou WWE? Ah, ben là, en fait, c'est comme... En réalité, Raw, c'est un brand. C'est une marque de la WWE. Autrement dit, c'est une division. C'est comme la division S de la Ligue nationale de hockey. Autrement dit, c'est la WWE, la World Wrestling Entertainment. Et à ce moment-là, elle est subdivisée en au moins deux catégories, deux divisions, c'est-à-dire Raw, qui est lundi soir, puis t'as SmackDown, qui est le mardi soir. Et on a envoyé, c'est exactement comme si on disait, t'as t'as la conférence de l'Est et la conférence de l'Ouest, c'est carrément ça. Donc, Raw appartient à la grande entité de la WWF. OK, OK. Donc, c'est un petit peu... C'est comme la Ligue nationale, Ligue américaine. C'est ça, dans le baseball, on peut-tu dire que c'est ça? Non, pas tout à fait. Là, puis okay, c'est bon que tu l'amènes comme ça, parce qu'on peut le comparer. Raw, SmackDown, c'est des conférences. Autrement, c'est comme la conférence de l'Est et la conférence de l'Ouest de la Ligue nationale de hockey. Okay. Bon, ben, Raw, SmackDown, c'est deux divisions différentes de la WWE. Mais la WWE, ce qui est anciennement la WWS, ont leur club d'école qui s'appelle NXT, et comme dans Next. Et ça, on peut dire à ce moment-là que c'est la Ligue américaine. Et les Québécois, Sami Zayn et également Kevin Steen, ou Kevin Owens, ont passé par l'équivalent de la Ligue américaine de la WWE, c'est-à-dire Next, NXT, pour aboutir dans le gros line-up. Et le parallèle avec le hockey est très intéressant parce que, oui, les comparatifs sont là. OK. Dis-moi, Fred, actuellement, aux États-Unis, ça pogne encore énormément. Hein. Les gros shows de la WWE, il y a beaucoup de millions qui se donnent là. Oui, définitivement. Ouais. Définitivement, le plus gros événement, je sais pas quel âge que t'as, mon ami, mais t'as peut-être connu la belle époque de Hulk Hogan. Les WrestleMania 3 contre André le Géant, puis on s'est commencé au Pontiac Silverdome, celui qu'on a sacraté il y a pas longtemps. Écoute, là, on a recommencé depuis une couple d'années avec les WrestleMania qui se tiennent au printemps. C'est pas compliqué, on s'en va dans les stades de baseball, puis on s'en va dans les stades de football. Autrement dit, sur semaine, les émissions hebdomadaires comme Raw et SmackDown, le lundi et le mardi, on est dans des arénas de hockey. Ça veut dire qu'on attire des 8, 10, 12, 15 000 personnes. Puis quand c'est le temps des gros événements comme WrestleMania, écoute, on a eu, il y a pas si longtemps, des 60 000, des 70 000, des 80, des 100 000 personnes pour le plus gros show de l'année. C'est encore, puis une grosse chose, puis les produits dérivés, les chandails, les poupées, les bons, les mauvais, c'est encore une grosse vision. Puis même ça, les gens ne le savent pas, mais depuis quand même une bonne dizaine d'années, la WWE produit leurs propres films, ils ont fait des films d'action, qui sont peut-être de série B un peu, mais ils font du placement de produits avec le vedette là-dedans, puis c'est toute une entreprise. Mais il faut savoir se réinventer, parce que moi, je ne connais rien à la lutte, j'aime pas ça, je trouve ça stupide, mais à quelque part, je connais quand même, tu sais, non, mais on peut pas, c'est vrai, Fred, on peut pas tout aimer, là. Mais à quelque part, moi, ce que pour ça je t'appelle, c'est pour savoir comment c'est quoi l'intérêt soudain d'RDS TV Sport, que ça fait 10 ans qu'on ne l'a pas présenté. Mais là, il faut savoir également que le Vince McMahon, c'est un génie du marketing, hein? Parce que là, ouais. Et c'est drôle parce que là, lui, il vieillit, puis sa fille est mariée avec un gars qui est américain, mais ses racines sont canadiennes françaises, Jean-Paul Lévesque de son nom de lutteur, Triple H. Puis lui, il continue à amener ça de main de main, puis l'entreprise ne diminue pas. Puis n'oubliez pas que depuis une couple d'années, depuis les années 2000, mi-2000, dans ce coin-là, c'est une entreprise qui est cotée en bourse aussi. Ouais. Tu sais, c'est plus que deux gars en bobette huilés qui s'affrontent. Là. C'est pas mal plus que ça. C'est un spectacle. Et c'est pas pour rien qu'à un moment donné, on disait plus la World Wrestling Federation. C'est maintenant du sport entertainment, c'est-à-dire du divertissement sportif. C'est du théâtre violent, puis appelle ça comme ça. Tu t'en vas au théâtre violent quand tu vas voir la lutte, puis c'est parfait comme ça, sincèrement. Autant du côté des gros shows de la WWE, puis autant, puis je vais prêcher pour ma paroisse avec les gars, mes amis de la JCW à Jonquière, c'est une sorte de théâtre extrême d'une certaine manière où les gars les gars et les filles, mentionnons-le, vont vous donner un spectacle pour le plaisir de vos yeux. Ok, t'as-tu déjà vu ça sur place à WrestleMania? Est-ce que t'as fait? Non, j'ai pas vu les WrestleMania, mais j'ai vu la WWE à plusieurs reprises à Ottawa, à Québec. Ok. J'ai déjà eu la chance de rencontrer des lutteurs, des idoles de jeunesse, que ce soit les Jacques Rougeau de ce monde ou d'autres aussi. C'est des gars, pour la plupart, extrêmement sympathiques. Puis ils sont doublés non seulement, c'est des gars en général qui sont très sympathiques, mais c'est des athlètes aussi, parce qu'ils tombent des shapes incroyables. C'est tout, moi, je me souviens d'avoir vu le champion de la WWE il y a 10-12 ans, Brock Lesnar, qui l'est encore, qui a fait du MMA, qui s'est ramassé champion du UFC. C'est un frigidaire, c'est pas mêlant, c'est un frigidaire. Il est aussi épais que large, puis il n'y a pas de graisse. C'est pour ça que en anglais, on dit « larger than life », mais en français, c'est « plus grand que nature ». Autrement dit, pourquoi on tripe là-dessus? Parce que ces gars-là sont plus grands que nous autres. Des gars 6 pieds, 6, 7 pieds. C'est des gars de 300 livres. On vend ce qu'on n'est pas. Tu sais, dans la vie, on a une petite gueule comme ça. Hein, on n'est pas capable de... On aimerait bien ça battre notre voisin parce qu'il nous énerve. Hein, puis on aimerait bien ça donner une volée à notre patron parce qu'il nous énerve. Mais dans la vraie vie, on ira en prison. Et la lutte réalise, d'une certaine manière, tous les fantasmes qu'on voudrait réaliser dans la vraie vie. Ben, eux autres, avec le scénario, ils réalisent, puis ça n'a pas de donner une volée à ton patron ou d'avoir à tes côtés une belle pitoune avec des beaux seins, ou whatever. Puis aujourd'hui, en passant, les pitounes dans la lutte, là, c'est pas juste des faire-valoir. Ils sont rendus avec des divisions complètes de filles qui sont incroyables, qui commencent à tirer quasiment autant d'enthousiasme que les hommes. C'est surprenant. Un bon lutteur de la WWE gagne combien? Écoute, on dit que les Triple H, qui est maintenant plus rendu dans la direction de l'autre, mais un Undertaker qui est à semi-retraite, Brock Lesnar qui est à semi-retraite aussi tranquillement, pas vite, mais des John Cena ou des Roman Reigns, c'est des gars qui gagnent dans les millions de dollars. Ah oui? Des dizaines de millions de dollars. Puis il faut comprendre qu'il y a une game aussi, c'est que tu as ton salaire de base, qui est en US, et également, si tu as la chance de devenir... un personnage important dans ces galas-là, dans ces compagnies-là, ben, t'as des produits dérivés. Autrement dit, si ton chandail qui se vend beaucoup, ça, c'est une véritable mine d'or. Les produits dérivés sont des sources de revenus incroyables. Si tu commences à être populaire, puis t'es du bon bord, comme John Cena puis tout ça, ou Roman Reigns par bout, ou tu fais partie d'une équipe qui pogne au bout, ça, là, c'est de l'or en bord, puis c'est le gagnant à vivre. OK. Dis-moi, parce que je sais que tu fais de la lutte à la, un peu plus locale, un peu plus régionale. Tu décris des matchs de lutte à la télé locale. Ouais. Je t'ai jamais entendu, par contre. Je sais qu'à ton émission, tu en parles de temps en temps. C'est quoi la motivation des lutteurs que tu fréquentes à faire de la lutte? C'est de la lutte locale, en réalité. Ah ben. C'est quoi? On a parlé de l'entertainment, on a parlé de la du gros show, mais du local, comme tu décris, c'est quoi, Joe, le trip? Ta question est bonne, parce que c'est totalement différent d'une certaine manière, où l'intérêt ultime n'est pas le même, parce que, prenons l'exemple de la Fédération de lutte du Saguenay, ce qui est la JCW de Jonquière. Eux autres, les gars, ils sont pas payés, là, c'est bénévole, puis c'est des gars qui, il y en a des nouveaux, il y en a plein de nouveaux, puis il y a des gars qui font ça depuis 15 ans, puis il va dire une chose, là, pendant qu'ils luttent pendant 10 minutes, c'est le fun parce que la foule les applaudit ou les haït, les déteste selon le besoin, selon le personnage, mais tu sais, un coup que c'est fini, là, c'est les mêmes lutteurs qui vont ramasser les chaises dans le local, puis c'est un autre lutteur qui va passer le balai, puis c'est un autre lutteur qui va faire la comptabilité des barres de chocolat vendues, ou à peu près, puis c'est d'autres lutteurs qui, quand ils luttent pas, ils vont aider à la technique, ou ils vont aider à sur le préparage du ring. Il y a toute une humilité là-dedans, parce que les gars, à moins quand tu fais venir les gars de Québec, puis là, tu lui payes les essences, mais si t'es un gars du Saguenay, qui lutte au Saguenay, t'as pas une scène de ça, fait que tu le fais, là, carrément pour, tu le fais pour toi-même, tu le fais pour l'adrénaline que ça donne, tu le fais pour le défoulement, tu sais, si ton combat dure 6 minutes, c'est 6 minutes où tu laisses absolument tout dans le ring avec les risques de te blesser. Puis soyons honnêtes, à part quelques exceptions, les chances d'aller dans le gros cycle sont rares. Ben. En passant, il y en a un dans la région qui a une chance. C'est un maudit bon gars, c'est celui qu'on appelle Matt Angel, qui est de grosseur cruiserweight, donc un léger qui est acrobatique au bout. Puis lui, tranquillement, pas vite, a commencé à JCW, puis il a fait sa marque. Après ça, les gens de Québec l'ont appelé, les gens de Montréal l'ont appelé, les gens d'Ottawa, Toronto l'ont appelé. Puis là, il est rendu une fois de temps en temps, les États-Unis l'appellent. Ça, c'en est un qu'il va falloir surveiller, qui aurait peut-être éventuellement sa chance d'avoir du moins un essai dans la grosse ligue. Ça, on peut raisonnablement le penser, mais la réalité, c'est que 95% des lutteurs locaux le font pour eux autres. C'est le défoulement, là. Puis il y a même des couples. Moi, je connais des couples ici, dans la région, hommes-femmes, qui luttent ensemble. Puis c'est leurs activités de couple le samedi soir, puis c'est génial. Ouais, mais c'est quoi, je veux dire, c'est quoi l'entraînement qu'ils subissent, eux autres? Est-ce qu'ils s'entraînent beaucoup? Parce que moi, je peux connaître des athlètes qui, si, bon, en dynamophilie locale, j'en ai un, William Veilleux, tu l'as entendu parler, qui fait partie de ma famille, il fait à peu près 15 à 20 heures par semaine d'entraînement, mais ces lutteurs-là, ils s'entraînent combien de temps par semaine? Ça dépend de ton personnage, Tu sais, il y a des gars qui s'appellent dans le ring Paul Goliath, qui est un maniaque d'entraînement, un autre qui s'appelle Degenerate également, qui est shapé. Ces gars-là vont au gym plusieurs fois par semaine. Il faut vouloir. Ils prennent des suppléments alimentaires, ou peut-être, je ne te parle pas de stock illégal, mais je veux dire, c'est des gars qui font extrêmement attention à leurs alimentations. Moi, je ne les vois jamais qu'une poutine dans les mains, c'est très rare. C'est pas des gars qui boivent beaucoup, c'est des gars qui prennent le sérieux. Mais t'as les personnages qui sont, comme on pourrait dire en parenthèse, cut, homme-femme, puis t'en as d'autres qui ont des personnages un peu plus de. Dans le jargon de la lutte, c'est des batailleurs de rue, des brawlers qui peuvent être un peu plus relâchés, un peu comme Maché, si tu veux, puis vont être moins endurants, mais ils vont composer avec ça dans leur personnage. Et la beauté de la lutte, c'est que c'est le casting. C'est comme au théâtre, c'est comme dans les films, c'est comme au hockey. Tu peux pas avoir au hockey 20 goons, comme tu peux pas avoir 20 Ovechkin. c'est le mélange de tout ça dans ta pièce de théâtre qui fait que, ok, tu n'as des gentils athlétiques, tu n'as des méchants un peu plus bonnes, un peu plus rebelles, plus lourdeaux. Puis au bout de la ligne, ben ça donne un entertainment, ça donne un divertissement. Donc, il y en a qui s'entraînent pas tous les jours, mais plusieurs fois par semaine pour avoir une shape athlétique parce que ça correspond à leur profil de lutteur. Puis t'en as d'autres qui sont un peu plus relâchés, qui vont compenser, par exemple, sur leurs habiletés vocales, qui vont parler tout le long d'un combat, qui vont défier la foule, qui vont les envoyer promener. Puis ça, c'est drôle parce que autant que d'un vous, des gars, t'as des gars qui, autant dans la lutte professionnelle qu'amateur, qui sont des gars qui vont faire du trash talk, qui vont envoyer promener, pour pas dire autre chose, la foule avec les fingers, tout ça. Mm. Mais que dans la vraie vie, c'est des gars extrêmement timides. Puis j'ai l'impression que pour eux autres, c'est une manière aussi de, comme un exutoire, tu sais, c'est comme un, pas un exercice, mais c'est une manière de faire sortir quelque chose que t'es en train de toi. Tu peux pas laisser sortir dans ton cadre habituel de travail ou d'environnement. Je veux, dis-moi, est-ce que ça l'attire beaucoup à Jonquière? Parce que je sais qu'il y en a eu à Saint-Félicien également. Ça l'attire-tu beaucoup? Oui. C'est une bonne foule? De quoi, 300-400 personnes par gala? En fait, la lutte, normalement, là, la gang de Jonquière vont sortir une fois de temps en temps de leur local habituel sur le boulevard Harvey. Mais leurs vocales habituelles sont là peut-être trois, quatre fois par mois. Ah oui? Puis il y a toujours, oh oui, à tous les samedis, à 7h, il y a tout le temps un gala. Il y a les petits galas de Madère, puis à toutes les fois, au moins une fois par mois, il y a un gala plus gros. Puis c'est au minimum une centaine de personnes ces temps-ci, depuis le nouveau local, les anciens gâteaux Vachon. C'est au minimum une centaine de personnes, puis d'un gros gala, ça monte plus que ça. Là. Puis moi, j'ai vu dans le nouveau local, 300-400 personnes, mais au Palais des Sports, il n'y a pas si longtemps, la semaine de l'Halloween, il y a eu au-dessus de 1000 personnes à Saint-Ambroise, une fois par année. À Saint-Ambroise, c'est la pyrotechnie, c'est au-dessus de 1000 personnes. Donc, ça peut aller de... C'est pas compliqué dans la région, là. C'est de minimum 100 personnes à 1000, 1200 personnes. Donc, il y a un intérêt, puis c'est vraiment de tout âge. Écoute, il y a des dames, sincèrement, là, 85 ans, facilement, sont là, première rangée. Ils veulent se battre avec les lutteurs, c'est tellement drôle. Tout comme il y en a qui arrivent en famille avec le petit pote de 5-6 ans qui veulent faire signer le photo de lutteur, puis ça devient même une activité familiale. C'est pas des farces. Oui, ça peut être violent, puis oui, c'est... Est-ce que c'est toujours le bon exemple? Je ne sais pas, parce que ça reste du théâtre extrême, mais tu serais surpris de voir la diversité de gens qui vont se ramasser là, exemple à Saint-Ambroise ou au Palais des Sports ou à Jonquière. Mais c'est incroyable. Faites gagner, on t'écoute à tous les midis avec Marc Diquet, mon collaborateur, puis Simon Tremblay. Ben, il n'y a pas de problème, puis... Moi, je m'amuse. J'ai fait quelques combats, mais moi, j'ai pas le corps pour ça. Je m'occupe de décrire ça une fois de temps en temps sur les ondes de ma TV. Si vous pouvez le capter, là, ouais. Les prochains épisodes vont être diffusés pas plus tard que la semaine prochaine. Vous allez pouvoir voir des épisodes flambant neuf avec plein de nouveaux lutteurs. C'est vraiment super. C'est vraiment fun. Faites gagner, on t'écoute sur les ondes de Radio X Saguenay à midi pile. Voilà. Ouais, n'importe quand, mon ami. Faites gagner.